pas de trucs. Bon, c'est pas grave. Bon, je crois qu'ils ont peur. Je crois qu'ils ont peur. Parce qu'ils nous ont menti sur les masques. Ils nous ont menti sur les tests. Ils ont renvoyé les patients qui n'étaient pas testés mais qui étaient Covid-19 dans leur famille. Où ils ont contaminé leurs compagnes, leurs compagnons, leurs amis. Et ils ont peur qu'en ce déconfinement, le besoin de santé, le besoin de protection à travers les personnels, les lits, les respirateurs, les tests, les masques, ça leur revienne comme un boomerang. Et ceux qui sont les plus à même de porter cette contestation, c'est ceux qui depuis des années portaient tes exigences. On se souvient, il y a 2 ans, on était nombreux à être ici, autour de la grève de la faim, qui après a donné les perchés au Havre, puis après ceux d'Amiens et d'autres, puis après les grèves dans les urgences. Mais ce n'était pas seulement les personnels de santé, c'était aussi les familles dépsychiatrisées, c'était aussi les syndicalistes et les cheminots en grève. En clair, ce qu'ils ont peur aujourd'hui, c'est qu'il y ait une alliance entre les personnels de santé, les citoyens, les associations, les syndicats, autour de cette chose élémentaire. On en a marre des exigences comptables. On veut des moyens pour les humains, la vie, la santé, pas les profits. C'est donc pour ça qu'ils vous décernent, parce que moi je me sens pas du tout concerné, peut-être que vous non plus, qu'ils vous décernent des médailles en chocolat, qu'ils n'ont pas envie de vous donner de salaire, mais peut-être qu'ils vous donneront une prime, qu'ils n'ont pas envie de vous donner de salaire, mais peut-être qu'ils vous donneront, qu'ils demanderont à votre copain, à votre copine, à votre grand-père de vous donner une journée de RTT supplémentaire. Ils n'ont pas envie de vous donner de salaire, mais peut-être qu'ils auront envie de casser les 35 heures. Parce qu'évidemment, le problème, c'est les 35 heures. Le problème, c'est pas qu'il n'y a eu pas eu d'embauche à l'hôpital. Alors la réponse, elle est oui, il faut du salaire. Il faut 300 euros pour tous les personnels des hôpitaux, c'est clair. Mais il faut des embauches, parce que des embauches, c'est les moyens d'ouvrir des lits, c'est les moyens d'accueillir dignement les personnels. C'est les moyens d'accueillir dignement ceux qui ont fui l'hôpital et ceux qui doivent revenir. C'est les moyens aussi, peut-être, on le craint, on en a peur, qu'il y ait une nouvelle vague de Covid-19. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ce déconfinement, c'est aussi le moyen de déconfiner nos colères pour exiger ça. Alors aujourd'hui, l'hôpital a tenu parce que les personnels ont tenu, mais ils ont tenu les derniers chiffres ce matin, au prix de 65 000 personnels de santé qui ont contacté d'une manière ou d'une autre le Covid-19. Je ne parle pas des morts. Et ça, c'est hors médecine libérale. Bon. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à faire, c'est des rassemblements comme ça qui disent à tout le monde, notre santé, ce n'est pas seulement celle du personnel de santé. Notre santé, c'est un enjeu qui doit unir les personnels de santé, leurs syndicats, leurs associations, les blouses noires, les bas et masques, et l'ensemble de la société, leurs syndicats, leurs associations, les citoyens. Et pour ça, il y a une date qui est importante. Le 16 juin, 11 associations, des syndicats, l'association des médecins urgentistes, le collectif pour défense des maternités et hôpitaux de proximité qui dit c'est un moment où on peut imposer une série de choses. Pas du blabla, pas de la manière dont on gérera dans 100 000 ans les hôpitaux, mais des salaires, des embauches, et les embauches on les connaît, les syndicats, les personnels les réclament depuis longtemps, c'est 100 000 embauches pour les hôpitaux au minimum, 50 000 dans les EHPAD, voilà, et je rajouterai 25 000 personnes pour que la santé publique soit vraiment une santé publique communautaire et pas seulement on vous enferme, et puis après quand ça va mal vous allez à l'hôpital et puis entre les deux plus rien. Et donc ce qu'il faut qu'on arrive à tisser, c'est des liens, ce premier lieu c'est un rassemblement, un premier. Il faut que nous ici, on soit à l'initiative d'un appel, d'un débat, quelle que soit la forme, où les personnels, les syndicats, les blouses noires, Sud, CGT, les gilets jaunes, toutes les associations, on se dise, on prépare quelque chose autour des besoins de santé, autour de ces exigences, et que le 16, on soit capable de le faire à l'HP, au CHU, dans les EHPAD, et c'est pas facile dans les EHPAD, au Belvédère. Et que ça se converge peut-être dans la rue, peut-être à Rouen, sûrement en respectant les distances de sécurité. Donc si on a une obsession, c'est d'ouvrir notre gueule, parce que là où il n'y a pas de pouvoir, il y a du Covid-19. Là où il n'y a pas d'hôpitaux, il y a des morts du Covid-19, comme en Seine-Saint-Denis. Là où il n'y a pas de pouvoir, et bien le Covid-19, il se développe, comme dans les abattoirs, dans les endroits où il fait froid et humide, comme les poissonneries industrielles et tout ça. Donc du pouvoir sur nos vies, c'est des soins, des personnels, des embauches. Et puisqu'ils ont décidément été si nuls et que leur monde d'après, il ressemble tellement à leur monde d'avant qu'on a envie de le vomir, eh bien on s'organise, on prend nos affaires en main, on tisse nos alliances en bas pour essayer que notre santé soit une des priorités au cours desquelles on déconfine notre colère.